et non des amitiés. Tu ne peux plus vivre quand tu peux pas avoir d'amis quand t'es conscient. C'est impossible. Parce qu'avoir des amis, ça fait partie de la psychologie matérielle de l'homme, ça ne fait pas partie de la psychologie supramentale de l'âme. Dans l'homme. Et c'est là que l'homme commence à pas s'ennuyer au début, mais à se voir seul, à se sentir seul. On peut sentir ça depuis sa naissance. Oui, mais on le comprend. Et naturellement, plus le temps va, plus il y a des gens qui se conscientisent, alors plus il y a des possibilités d'alliance. Mais moins il y a possibilité d'amitié. Puis quand l'homme passe de l'amitié à l'alliance, il perd quelque chose en tant qu'homme pour gagner quelque chose en tant que sur-homme, en tant qu'homme conscient. Puis ça, c'est important parce que ça lui permet de perdre le moins d'énergie possible avec les hommes, dans son trafic avec les hommes. Et de toujours commander vibratoirement l'énergie qui doit être vécue entre lui et l'homme conscient. Parce que quand tu es avec un homme conscient, tu ne perds jamais l'énergie. Il y a toujours un mouvement, puis t'apprends, il se forme un ajustement vibratoire avec les corps constamment. Parce que quand tu es avec l'homme inconscient, il y a une perte d'énergie, puis une perte d'énergie, puis une perte d'énergie. Éventuellement, tu ne peux plus perdre d'énergie. T'es plus capable. T'es plus capable. Ta belle main, tu ne peux pas avoir. Que tu es brûlé une heure par jour. Tu es plus capable d'en perdre plus d'énergie. Tu peux y donner une heure par jour, mais tu ne peux pas y donner 12 heures par jour. Si elle venait avant, elle faisait des tapes chez vous, tu n'es plus capable. Tu peux manger des tapes, mais tu ne peux plus la voir dans ta maison faire tes tapes. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu demandes de faire ses tapes, tes tapes chez eux, les amis. C'est subtil, c'est vrai. Parce que quand t'es chez vous, c'est pas avec tes tapes qu'à faire. Ouais. C'est quand tu manges. C'est tout long. Elle te vampirise, sans savoir, la pauvre belle. Elle amène ses problèmes, puis tout ça. Est-ce qu'elle veut se sentir utile? Elle veut se sentir utile. Mm-hmm. Elle veut se sentir utile. C'est le gros bobo de plus se sentir utile. C'est une des plus grandes illusions de l'ego, ouais. De vouloir se sentir utile. Moi, ma mère, elle venait chez nous, elle avait mon linge. J'ai dit, ma femme, il a coupé sa lutte. Il avait les bas de son petit gars, les chemises de son petit gars. Je suis encore son petit gars. Tu restes toujours. Ouais. Tu restes toujours son petit gars. Elle dit, tu ne montres pas comment faire les enfants. Oh, je dis, j'ai pas l'intention. Ils ont des petites phrases. Hein. Des petites phrases qui disent, tu ne montres pas faire les enfants. J'ai vécu avant toi. Voilà, tu ne montreras pas un vieux chien à la vie, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je fait que ça va loin. Ils veulent se sentir utile. C'est pour ça que plus on se conscientise, plus on comprend la nature de nous-mêmes, puis plus on est obligé de réduire de toutes les façons les forces psychologiques qui nous instruisent constamment dans une impression qui sert à notre personnalité et qui nous nuisent parce qu'elles détruisent notre centre de gravité, qui est le rapport entre l'âme et l'ego. Et sur le plan du travail, il est évident que l'homme, un jour, doit découvrir essentiellement la nature de ce qu'il veut faire. Mais pas par son ego. Par la réalisation de l'énergie de l'âme en lui, et par l'éclaircissement qui se fait dans son mental, à l'intelligence en lui, pour qu'éventuellement s'ajuste le temps de l'expérience qui est lié de plus en plus à son intérêt vital.

Les gens autour de toi n'étaient pas non plus. Tu peux pas les. T'es-tu seul? L'expérience. Parce que surtout, ils disent que. T'es-tu seul à cette expérience? Les gens peuvent pas t'aider. T'es-tu seul? T'es tellement seul, c'est toi qui. Dans ce temps-là, ils t'envoient dans le jeu, tu es tout tellement seul. Ils te disent complètement là. Mais les gens aussi te disent toutes sortes de choses que toi, tu penses ça. Ils disent que tu fais partie de. Et quand tu fais rien, tu fais partie de ce genre de choses, puis toi, tu prends, tu le crées parce que tu... Non, quand t'es fusionné, tu crois rien. Ouais, mais... Fait que ça, c'est... Ouais. Quand t'es fusionné, tu crois rien. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un jeu... Quand t'es fusionné, là, puis ça se fait, ça va, là, il est comme un... Ton ego essaie de le comprendre, t'sais. Ton ego, c'est comme si ton ego, dans sa tête, il peut se dire... En parlant avec eux autres, il peut dire... Parce que quand t'es fusionné... Moi, j'ai tellement à faire, en même temps. Alors, quand t'es fusionné, tu peux plus penser. Tu peux parler avec eux autres. Ton ego, il sait ça. Ton ego, il dit, tu fais-tu partie des forces d'admin ou des forces? Parce que l'ego, il n'y a pas de science encore. La science, elle vient avec le temps. Plus tu perds, plus tu découvres, plus tu découvres, plus tu découvres. Mais au début, ton ego, il a encore la mémoire de sa culture. Satan, Lucifer, tout le patron. Ton ego, il dit, tu fais-tu partie des forces de la guerre ou des forces de la guerre? Puis ça, tu te réponds pas de tes affaires. Fait qu'imagine-toi, Charlie, que c'est un gros break, ça. C'est pas de tes affaires. Puis l'ego, il dit quand est-ce que ça va être de mes affaires? Puis il te répond, tu verras. Puis il te répond de même, avec ce même ton voix, là, tu verras. Tu comprends, ça te sécurise pas bien gros. Puis tu dis combien de temps? Tu verras. Fait que ton ego est toujours laissé en suspension. Jusqu'à temps qu'il ait fini le travail, la destruction de la femme complète, là, puis après ça, là, il se passe quelque chose dans ta vie, là, quand tu sais, là, tu sais. Là, tu peux plus souffrir de ça, mais tu ne souffres.